Unité 2, réagir. Activité 3. Allô ? Bonjour, monsieur. Je vous appelle pour avoir des renseignements sur votre annonce. Bonjour, madame. Est-ce qu'il est toujours alloué ? Oui. Très bien. Le loyer est de combien ? 1 200 €, c'est bien ça ? Oui, oui, c'est ça. Dans la cuisine, est-ce qu'il y a un lave-vaisselle ? Oui, et aussi un lave-linge et un four à micro-ondes. C'est super, je peux le visiter ? Oui, attendez, je regarde mon agenda. Vous pouvez me donner vos coordonnées ? Mon téléphone est le 07 53 89 10 51. Et mon adresse mail, si vous voulez, gfradi@yahoo.fr. Très bien, c'est noté. Je vous rappelle dans la journée. Merci, monsieur. À bientôt. Au revoir.